Qui le met? Qui le met? Écoute, ya. J'débarque, bah, mène ma barque, barque. J'vais clac, clac sur ce spike track. C'est l'attaque, pas écoute. Réalité qui nous épanne. Ah, mensonge, vérité à croire qu'ils veulent qu'on passe à la trappe. Yo, attaque libre au mic. Rap, constaté, cap que Nicolas veut nous bébat. En attente un nouveau départ. J'suis prêt, couvert, cotillon. Ultra fait l'Oscar comme Marion Cotillard. Deux gars, pour des dégâts. Respecte le taf et mate la rime qu'on épuise sur mes rats. Monde à l'envers, c'est beau gras. L'industrie du disque. Crac, les actionnaires du CAC 40 font les rats. Le PA traîne la patte pendant qu'on délocalise à tout bas. Que restera-t-il de l'héritage de nos grands-pas? Un avenir meilleur, l'État ne se trompe pas, mais nous trompe trop. On n'a pas dit notre dernier mot. Écoute, notre but toujours aller plus haut. On n'a pas notre dernier mot. Écoute, notre but toujours aller plus haut. Votre attention, je lève un toast. Le flow est costaud. Dans ton poste, c'est l'holocauste. Car maintenant, je me poste. J'en ai la diastole. Systole qui s'affole sans bristole. Je suis tricard, je cricard, je bricole sans casto. Si tu crois que c'est la West Coast, t'es conne. Vas-y, ta gueule et casse-toi. Hors norme, technique, gonfle à la testostérone. Alors attention, c'est DTH crash. Voici ma trame trash, pleine de rimes riches sur Scud. En scred pour un temps scratch. 2008 fichtre, merde c'est fini les trip kitsch. Arrête ton char, t'as pas de charme, t'es pas ma biche bitch, non. Ici et là, on aime pas les ambitieux. C'est fait la merde et fait fissa, ou dégage de là. Du coup ton fils glissa, alors où on veut tous. Du cash, de l'or, loin du compte, ça se fâche dehors. En plus, à l'Elysée, en cadeau. C'est pas un chef d'état, non putain, c'est ce batch. En pavot avec une âme de dictateur et une tchatche de mort. Le pays serait comme endetté. Désolé, j'arrive sans commodité. C'est pour la famille, j'en place une pour mes sauces.